إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة وبعد فنواصل قراءتنا في مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا لطلب العلم ولفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد donc les frères on va continuer inshallah sur notre cours qui est l'explication de la muqaddimah d'Ibn Abi Zayd rahimahullahu ta'ala. Et donc on était arrivé au passage lorsque l'auteur dit: et il a envoyé pour eux les messagers pour que l'argument soit irréfutable contre eux. Il a scellé le message, l'avertissement et la prophétie par son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et en a fait ainsi le dernier des messagers, annonciateur de la bonne nouvelle pour les croyants, avertisseur du châtiment pour les négateurs, prédicateur de la foi en Allah avec sa permission et flambeau lumineux. Et donc, on avait commencé hier à expliquer ces parties du matn, c'est-à-dire la base du texte, écrit par le grand imam Ibn Abi Zayd. Donc, il parle ici du message et de l'envoi des prophètes et des messagers vers les hommes. Et comme on avait dit dans le cours d'hier, vous avez pu remarquer que l'auteur commence à parler de l'envoi des prophètes et des messagers après qu'il ait traité et clarifié la question du qadr, la question de la prédestination. Et on avait dit que c'est pertinent du fait que lorsqu'il a parlé de la prédestination et de la question qu'on appelle le qada ou le qadar, ensuite le fait de parler du message des prophètes et des messagers, le fait qu'Allah Jalla wa Ala est envoyé aux hommes des prophètes et des messagers pour leur clarifier et illuminer le droit chemin, et ben c'est très pertinent. Donc on avait dit, en ce qui concerne les prophètes et les messagers, on s'était arrêté hier lorsqu'on avait mentionné que dans le Coran, Allah Jalla wa Ala nous parle des prophètes donc et des messagers. Des prophètes et des messagers. Et on avait dit que les prophètes et des messagers, les prophètes sont nombreux. Et on avait dit que les savants disent que Allah Jalla wa Ala a mentionné dans le Coran 25 prophètes et messagers. Donc il y en a 25 qui sont mentionnés. On en avait mentionné une partie d'entre eux, comme on avait dit hier, ceux qui sont mentionnés dans la sourate Al-An'am. Dans la sourate Al-An'am, comment on avait dit? On avait dit que 18 parmi ces 25 sont mentionnés dans les versets de sourate Al-An'am. Ensuite, on avait dit qu'il y a eu la mention dans d'autres versets du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de Adam, de Hud, de Shu'aib, de Salih, de Dhul-Kifl et Idris. Donc dans le Coran, on a la mention de 25 prophètes. Or, des prophètes et des messagers, il y en a, ils sont nombreux, et on a envoyé à chaque nation des prophètes et des messagers, comme on l'avait mentionné dans le cours précédent, à l'aide de certains versets. Donc les prophètes sont nombreux. Allah, Jalla wa Ala, par sa sagesse infinie et immense, a envoyé, donc pour chaque nation, des prophètes pour leur clarifier le droit chemin. On a des hadiths qui sont rapportés, comme il est rapporté le hadith d'Abi Dhar, où il y a la mention que Allah Jalla wa Ala a envoyé plus de 120 000 prophètes. Et donc on a une version qui dit 124 000, qu'Allah Jalla wa Ala aurait envoyé plus de 124 000 prophètes. Et on a aussi une version qui mentionne, en ce qui concerne les messagers, 313 messagers, plus de 310 messagers, c'est-à-dire 313 messagers, dans une autre variante, 315 messagers. 315 messagers. Et donc, par rapport à ça, donc vous trouvez des savants, lorsqu'ils traitent le sujet, ils vont mentionner l'adad, ce hadad, qu'on appelle le combien, ici, le nombre. Le nombre. Et ils vont dire qu'il y a plus de 120 000 prophètes qui ont été envoyés. Ça, c'est en ce qui concerne les savants qui verraient que ces riwayats, ces hadiths-là sont authentiques. D'autres savants considèrent que ces hadiths-là sont faibles. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de savants émettent al-fatwa qu'il n'y a pas un nombre précis connu. Le nombre en réalité qui est connu, c'est le nombre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui connaît le nombre réel des prophètes qui ont été envoyés, des messagers qui ont été envoyés sur terre. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que le fait de mentionner des nombres, donc il faut des textes. Il faut des textes authentiques. Donc la divergence chez les savants est liée à leur divergence sur leur jugement concernant les hadiths et les différentes variantes et les différents récits qui sont rapportés sur ce sujet. Ceux qui authentifient ces récits, mentionnent le nombre, comme on a stipulé précédemment. Et ceux qui n'authentifient pas ces récits-là et ne jugent pas ces récits comme étant authentiques, alors ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent de la mention et de l'évocation de nombre, et ils disent que c'est Allah Jalla wa Ala qui en a la connaissance. Et ils s'abstiennent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de, pour eux, il n'y a pas de texte authentique. Et c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'il nous a rapporté de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est ce qu'on ressent à travers sa parole. Pourquoi ? Parce que certains, lorsqu'ils ont observé la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils ont vu que lam yastadil, que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a pas déduit à travers ses récits, mentionnant et évoquant les nombres précis, comme je vous ai mentionné précédemment, en ce qui concerne les prophètes, 124 000, et les messagers, 113 ou 313 ou bien 315, il n'a pas déduit à travers ces hadiths, ou d'après ces hadiths, comme le hadith qu'on a mentionné précédemment d'Abi Dharr. Mais lorsqu'il l'a mentionné, avec Sirat al-Tada'if, comme on appelle Sirat al-Tada'if. Sirat al-Tada'if, la manière... Sira, c'est la manière, c'est la façon. Comment qu'il l'a, il a rapporté cela et il a ramené la chose, il a mentionné Rouya anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté. Donc, on ne voit pas d'une manière claire que Cheikh al-Islam Taymiyyah aurait authentifié le récit, mais il le mentionne d'une manière comme s'il sous-entendait la faiblesse du récit, puisqu'il dit Rouya. Rouya, il a été certes rapporté. Donc, c'est un hadith qui est célèbre, de Abu Dharr. Mais il y a une divergence sur l'authenticité. Beaucoup de savants considèrent que le récit est faible. Le récit est faible, mentionnant justement, comme on a dit précédemment, le nombre des prophètes et des messagers. ولهذا قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى الحديث إلى حديث أبي ذر بصيغة التضعيف لما ذكر وقال روية ولم يستدل به الشيخ الإسلام ابن تيمية بل استدل بالآيات الدالة على كثرتهم. C'est pour ça, lorsqu'on regarde la manière qu'a évoqué la question Cheikh Sam Temiya, on voit que lorsqu'il a parlé de cela, il a mentionné des versets, les versets montrant d'une manière générale la multitude et le grand nombre des prophètes et des messagers. La multitude et le grand nombre des prophètes et des messagers. ولهذا, c'est pour cela que si vous regardez les fatawas de ce qu'on nomme, de cette permanence, la commission permanente des fatawas, ce qu'on nomme Al-Lajnat Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiya wal-Ifta, Al-Lajnat Da'ima, qui est la commission permanente des grandes fatwas au Royaume d'Arabie, et à l'époque, à sa tête, c'était Sherman Bez, du fait qu'il en était le mufti du royaume, et de ce fait, il était le président de cette assemblée qui est l'Ajnat al-Da'ima, la commission permanente des al-Fatawa. Et on voit que l'Ajnat al-Da'ima, la commission permanente des Fatawa, dans une fatwa, il dit « La ya'lam adadahum » ils disent « La ya'lam adadahum illallah » personne ne connaît leur nombre si ce n'est Allah. Donc on comprend que les savants de la commission permanente des fatawas, de l'agence d'Aïma, sont d'avis que les textes sont faibles et leur nombre, le seul qui connaît véritablement leur nombre bien précis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Et à leur tête, à l'époque, lorsqu'ils ont émis cette fatwa, il y avait Sheikh Ibn Baz. Et entre autres, dans le comité, il y avait parmi les plus grands savants contemporains, il y avait Sheikh Abdallah al-Rudayyan, par exemple, et d'autres, par exemple, Sheikh Abdallah al-Razak al-Afifi, qui faisait partie des sommités, des élites parmi les savants d'Arabie. Donc c'est de grands savants qui sont des savants contemporains, qui sont morts il n'y a pas si longtemps de cela. Rahimahumullahu jami'an. Qu'Allah leur accorde tous sa miséricorde. C'est pour cela il est dit la yu'raf illa bil wahy fa wa li hadha yatawaqqaf fi ithbat al adad. Et de ce fait que eux ils voient de s'abstenir, pourquoi? Parce que leur nombre ne peut que être mentionné à travers la révélation. La révélation fa yatawaqqaf fi ithbat al adad. Pour ça eux se sont abstenus de mentionner tout nombre de cela. C'est pour ça aussi vous pouvez revenir aux fatawa de Sheikh Ibn Baz. Les fatawas de Sheikh Ibn Baz, dans son majmou', dans son recueil de fatawas, on trouve des fatwas qui vont dans ce sens. Donc vous avez vu, la divergence est liée par rapport à la considération des savants concernant le hadith, leur jugement concernant le hadith. Est-ce qu'il est authentique ou bien est-ce qu'il est faible? Tayyib. Binisba adat al-kutub, adat al-kutub, en ce qui concerne le nombre des livres, de même, on ne peut pas certifier un nombre précis de livres qui ont été descendus. Ce qu'on sait, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a descendu des livres. Et donc, il y a de nombreux livres qui ont été descendus, qu'Allah Jalla wa Ala a révélé. Et donc, des messagers sont venus avec des livres révélés. En ce qui concerne leur nombre, Wallahu A'lam. Bien que aussi, il y a un hadith. Il y a un hadith aussi, c'est le hadith d'Abidhar. Hadith d'Abidhar aussi. Où il y a la mention de 104 livres. Il y a un hadith qui stipule qu'Allah Jalla wa Ala aurait descendu 104 livres. Wa hadha al-hadith rawahu Ibn Hibban. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban wa ghayruhu. Et certains spécialistes et savants du hadith ont stipulé que hadha al-hadith batil. Bel mawdou'. Et ils ont dit que ce hadith n'était pas fondé, il était bien plutôt forgé. Donc certains savants le considèrent comme inventé. Et c'est pour ça qu'on retrouve parmi les savants qui sont de cet avis, même pour le nombre qu'on a mentionné dans la question précédente des prophètes, on trouve que Ibn al-Jawzi aussi. Ibn al-Jawzi considère, puisqu'il a un livre célèbre sur le hadith al-Mawdu'at, les hadiths inventés, et lui il considère que ces hadiths font partie de al-Mawdu'at. Ils sont très faibles. C'est pas juste faibles seulement, ils sont très faibles. Et de ce fait, ils disent dans le hadith par exemple de Ibn Hibban, qui est rapporté, et d'autres, ils disent que dans sa chaîne de transmission, qu'est-ce qui fait la faiblesse de la chaîne de transmission? C'est qu'il y a la présence d'un homme, d'un rapporteur qui s'appelle Ibrahim ibn Hisham ibn Yahya al-Ghassani. Ibrahim ibn Hisham ibn Yahya al-Ghassani. Et lui, il est considéré comme un menteur. C'est pour cela qu'il a été rapporté d'Abu Hatim al-Razi ou Abu Hatim al-Razi min a'immati jarhi wa ta'adil. Min a'immati faisait partie des grands imams parmi les sommités, parmi les plus grands imams de son temps, du jarhi wa ta'adil. Donc il est connu Abu Hatim, il y a son fils aussi, Ibn Abi Hatim. Lorsqu'on dit Ibn Abi Hatim, c'est-à-dire faisant ici allusion à son fils, qui faisait partie des grands imams. Un jour même son père, Abu Hatim, qu'on est en train de parler ici, un jour lorsqu'ils lui ont demandé à propos de son fils, il a dit « Mon fils, je lui connais aucune désobéissance ». Yani rajulun salih, imam. Ça c'est le constat de son père et le témoignage de son père. Fa Abu Hatim al-Razi min a'immat al-hadith. Et je vous conseille, je vous réfère à sa biographie, lisez sa biographie, vous allez voir des binisbatillah, c'est une biographie qui est exhortante du fait que ça encourage vraiment à faire talab al-ilm et à voyager pour aller chercher la science al-ilm. Et Abu Hatim al-Razi, qui faisait partie des, comme on a dit précédemment, des spécialistes et des grandes références dans ce domaine, il dit Hada al-Rajulun Ibrahim ibn Hisham ibn Yahya al-Ghassani Kadhab. C'est un grand menteur. Un grand menteur. De ce fait, ça fait partie des, Ça fait partie de la cause, hein, considérant que ce hadith mentionnant le nombre de livres, pourquoi les savants, ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté. De ce fait, ils disent, fal hadithu la taqumu bihi hujja. Donc, ce hadith ne peut pas faire office de preuve et d'argument pour citer et mentionner un nombre précis de livres qui auraient été descendus. Et ça, c'est important de savoir lorsqu'il y a des textes qui sont rapportés et de faire la distinction entre les textes rapportés et ce qu'ils sont authentiques ou non. Comme on a dit, par exemple, ici, bien de faire la différence aussi, par exemple, comme on a dit, ce hadith, par exemple, est considéré chez les savants comme étant un hadith très faible. Ce n'est pas seulement faible. Et il y a une grande différence chez les savants lorsqu'on dit « had al-hadith da'if jiddan » et lorsque le hadith est juste « da'if ». Ça, chez les savants, c'est subtil. Il y a une grande différence sur ce fait. Que le hadith soit seulement faible, ou bien il soit très faible. Par exemple, un hadith qui est seulement faible, considéré faible, lorsqu'il y a d'autres récits qui comptent, d'autres chaînes de transmission qui ont, par exemple, ces récits le même sens, et des chaînes de transmission parfois équivalentes ou non, elles se renforcent les unes les autres. Elles peuvent se renforcer. Donc une chaîne de transmission parfois peut renforcer une autre. C'est pour cela que parfois un hadith faible peut arriver au degré de Hassan l'Irayli. Un hadith bon pour autre que lui. On traduit de la sorte, hein. Bon pour autre que lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sortes de hadith Hassan. Il y a al-Hassan li-Zatihi ou al-Hassan li-Ghayrihi. Il y a un hadith qui est bon pour lui-même, c'est-à-dire en lui-même, hein, son entité, son essence même, on va pas traiter ça, c'est pour là. Pour le hadith en lui-même, le hadith, il est bon, il est hassan. Sauf que, parfois le hadith, il est hassan li-Ghayrihi. Li-Ghayrihi, c'est-à-dire il peut atteindre le degré de bon pour une cause externe. Une cause externe. Comme par exemple, un hadith faible, mais du fait qu'il y a d'autres voies, d'autres chaînes de transmission qui le renforcent, alors il peut arriver au hadith Hassan li-Ghayrihi. Tandis que le hadith très faible, là, c'est fini. Le hadith très faible, on ne peut pas. On ne peut pas, ici, l'élever au niveau de hadith bon. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il est hadith. Alors, il est daif, jiddan, il est très faible. C'est pour ça que parfois vous voyez des écrits et des recherches de, par exemple, des imams dans ce domaine comme l'illustre imam contemporain Sheikh Al-Albani, par exemple. L'imam Al-Albani, parfois, il a repris des écrivains ou des auteurs sur leur mauvais jugement, par exemple, du fait qu'ils ont dit ce hadith est faible. Et Sheikh les a repris sur le fait de dire là, le hadith n'est pas seulement faible, il est très faible. Le hadith est très faible. On avait déjà donné, par exemple, des exemples, parmi les exemples qu'on avait déjà donné, un exemple célèbre que vous pouvez trouver dans son livre de Charles Albani, dans son livre de At-Tawassul, la demande d'intermédiaire, cette question-là. Donc, il en a écrit un livre, Charles Albani. Ce livre a même été traduit en français. Il a été traduit en français pour ceux qui veulent revenir. C'est un très beau livre. Dans le domaine de At-Tawassul. Ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à un moment donné, lorsqu'il va traiter de la question de ceux qui prennent, en intermédiaire, le rang du prophète, sallam, ou le rang de Abu Bakr, ou le droit du prophète, sallam, ou le droit de Abu Bakr, de Omar, certains ont dit que cela était permis, ils ont rapporté des hadiths, en l'occurrence, on avait déjà mentionné le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, qui disait que le prophète, sallam, lui avait enseigné de dire, Allahumma inni as'aluka bi jahi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Au Seigneur, je te demande par le rang du prophète, par le rang de Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ça, c'est un hadith qui nous a rapporté d'Abu Saïd al-Khudri, d'après le prophète, alayhi salatu wa sallam. Et Sheikh Al-Albani, dans ce livre justement, il va mentionner que had al-hadith da'if, il est faible. Il est faible, mais il n'est pas seulement faible. Il dit il est très faible. Il est très faible. C'est-à-dire que juger que ce hadith serait seulement faible, c'est une erreur. Donc je vous donne un exemple de hadith qui serait très faible, da'if, Jindan. Il dit, pourquoi ? Parce que dans sa chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelait Atiyah al-Awfi. Et cet homme-là, ce rapporteur-là, il rapporte du compagnon Abu Sa'id al-Khudri. Et c'est vrai que lorsque vous regardez dans l'histoire, hein, les biographes rapportent, les spécialistes hein, dans l'histoire et la biographie des rapporteurs, rapportent que Naham, cet homme, a bien rencontré le compagnon Abu Sa'id al-Khudri. Et il a vécu avec lui. Et il écoutait même les récits. Il écoutait même les récits. Sauf qu'il est rapporté qu'après sa mort, il s'est assis avec un homme qui s'appelait Al-Kalbi. Al-Kalbi. Donc après la mort du compagnon Abu Sa'id al-Khudri, cet homme, Al-Awfi, Atiya al-Awfi, a commencé à s'asseoir avec un homme qui s'appelait Al-Kalbi. Sauf qu'Al-Kalbi était connu comme étant un menteur. Donc à l'époque, les gens ne prenaient pas de ses récits. Il était connu comme menteur et connu par le mensonge. Et mais lui, ce rapporteur, il veut quand même rapporter de lui. Il veut rapporter de lui. Dans ce qu'il va faire, il ne va pas mentionner son nom directement, parce que sinon les gens ne vont pas accepter sa riwaya, sa version et sa chaîne de transmission. Ce qu'il va faire, il va le mentionner par sa kunya. Il va mentionner par sa kunya. Donc, et sa kunya, lui aussi, c'était Abu Sa'id. Donc sa kunya, c'était Abu Sa'id. Donc il va dire « Haddathani Abu Sa'id » ou « Haddathani Abu Sa'id ». Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle « tadlis ». Il a fait du « tadlis ». Sauf que Charles Albani va expliquer que « tadlis », il y a des genres et des formes de « tadlis ». « Tadlis », c'est le fait de ne pas mentir, mais je ne dis pas aussi la vérité. Donc je ne dis pas la vérité, mais je ne mens pas en même temps. Et c'est ça « tadlis ». Sauf que beaucoup de rapporteurs ont fait du « tadlis ». Et selon les différentes catégories de « tadlis », selon les catégories, certaines catégories ne font pas tomber l'honnêteté et la fiabilité des rapporteurs. Sauf qu'il y a une catégorie qui fait tomber l'honnêteté et la fiabilité, en l'occurrence celle-ci. En l'occurrence, celle-ci. C'est la plus grave des formes de tadlis. Et de ce fait, Charles Albani dit que les imams ont fait tomber la fiabilité de ce rapporteur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il dit Abu Sa'id, il veut faire une sorte d'illusion qu'il rapporte du compagnon Abu Sa'id al-Khudri. Oh, c'est faux, il rapporte de Al-Kalbi. Et Kalbi est un menteur. Est un menteur. Donc il dissimule ici la vérité. Et regardez, vous avez vu, c'est subtil. Et bien les savants savent ces subtilités-là. Les savants, regardez, hein, ont su que lorsqu'il a dit Haddathani Abu Sa'id, que c'est pas Abu Sa'id le compagnon. Et du fait qu'il a fait ça, cette chose très grave, alors les savants, eh bien, ont annulé, en quelque sorte, hein, avec mes mots à moi, et ben, tous ces récits et les considérer comme daif. Et aussi, parmi les autres choses qui sont reprochées à ce rapporteur, c'est qu'il il était partisan de la doctrine du chiisme. Du chiisme. Et voilà, on a par exemple un hadith, un exemple de hadith qui est daif jiddan. Taïb, nouasil. Ensuite, en ce qui concerne donc les prophètes, on a dit donc Allah Jalla wa'ala dans le Coran. Donc Allah Jalla wa'ala a mentionné certains prophètes et messagers dans le Coran. On en a dit 25. 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Mais ce qu'on sait, comme on vient de l'expliquer, c'est qu'Allah Jalla wa'ala a envoyé plus de prophètes et de messagers. Il a envoyé de nombreux prophètes et de nombreux messagers. Dans le Coran, Allah Jalla wa'ala nous a relaté l'histoire de certains d'entre eux. Et on voit même, hein, que dans le Coran, Allah Jalla wa'ala, ces prophètes qu'il a mentionnés, qu'il nous a évoqué dans son livre, on voit même que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné l'histoire de tous ces prophètes qui sont mentionnés dans le livre. Par exemple, dans le livre, on n'a pas l'histoire de Yasar. Allah a mentionné Yasar, mais on n'a pas l'histoire de Yasar. Par exemple, Dhul-Kifl, on n'a pas son histoire dans le Coran. Pourtant, il est mentionné et il est évoqué dans le Coran. Donc Allah Jalla wa'ala a mentionné le nom de certains de ses prophètes et messagers dans le Coran, mais Allah Jalla wa'ala n'a pas relaté l'histoire de tous ces prophètes et messagers qui sont mentionnés et évoqués dans le Coran. Et ça fait partie de la sagesse infinie et immense, cette énorme sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une sagesse en cela. Si vous observez dans le Coran, peut-être qu'on est à peu près, ça dépasse pas l'histoire de 11 à peu près de ces prophètes qui sont mentionnés parmi ces 25. Et on observe aussi qu'il y a des prophètes qui sont mentionnés plus que d'autres. L'histoire de prophètes qui sont mentionnés plus que d'autres. Par exemple, dans le Coran, on a l'histoire de Moussa alayhi salam, on a l'histoire de Isa, on a l'histoire de Shu'aib, on a l'histoire de Ibrahim, on a l'histoire de Suleyman, on a l'histoire de Daoud et d'autres prophètes qui sont mentionnés. En l'occurrence, lorsque vous observez, par exemple, le prophète Moussa, son nom est évoqué, certains disent, à peu près 183 fois dans son livre, et son histoire est relatée à peu près dans 25 endroits du Coran. Dans 25 endroits du Coran. Pourquoi ? Ça fait partie de l'énorme sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu qu'il en soit ainsi. Et Allah a fait donc qu'il en soit ainsi. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on voit que l'histoire de Moussa, alayhi salam, elle est répétée. Elle est répétée dans le Coran. Comme on va dire, à peu près 25 endroits dans le Coran, passage où qu'il y a l'histoire de Moussa qui est répétée. On voit par exemple, si on prend l'histoire de Suleyman, l'histoire de Suleyman, on voit qu'elle est mentionnée dans certains passages. Il y a une partie de l'histoire de Suleyman et une autre partie vient dans d'autres passages du Coran. Donc on voit que c'est mentionné d'une manière séparée. Donc son histoire n'est pas répétée. Par exemple, l'histoire de Suleyman dans le Coran n'est pas répétée comme l'histoire de Moussa, alayhi salam. Et c'est pour cela que on voit par exemple pour l'histoire de Suleyman, il faut lire par exemple, vous regardez certaines parties dans Surat Naml, ou bien dans Surat Sad, ou bien dans Surat Saba, vous allez voir que il y a des passages qui relatent l'histoire du prophète Suleyman. Donc ça fait partie de l'énorme et immense sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, ce qui nous incombe de savoir, à travers la connaissance de l'histoire de ses prophètes et des messagers, parmi les sagesses qu'il y a, Allah Jalla wa'ala nous dit dans le Coran, pour qu'on tire leçon de ce qui s'est passé à l'époque des prophètes et des messagers. Et Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il nous narre et qu'il nous raconte ces histoires des prophètes et des messagers, pour que ça soit ce qu'on nomme une ibra. Al-ibra, c'est quoi? Pour qu'on en tire leçon, si vous voulez. Pour que ça soit une leçon et une exhortation. Une exhortation. C'est-à-dire, à travers l'histoire des prophètes, alayhi salam, comme c'est relaté dans le livre, dans le Coran, eh ben, on tire leçon de ce qui s'est produit à leur époque. C'est une exhortation pour les générations à venir. Pour les générations à venir. Et aussi, pour que les hommes réfléchissent. Pour que les hommes réfléchissent. Donc, il faut méditer à tout ça. Il faut méditer à tout ça. Et lorsqu'on lit le livre d'Allah, lorsqu'on l'ouvre, le livre d'Allah, eh ben, il faut lire les histoires de ses prophètes et de ses messagers. Ce n'est pas en vain qu'Allah Jalla wa'ala nous a relaté l'histoire des prophètes et des messagers. Donc il faut les lire, il faut les méditer, il faut donc en tirer leçon. Il y a une grande exhortation. Et il faut donc qu'un insan yatafakkar fi hadhihi al-qasas. عندما يقرأ من خلال قراءة هذه القصص فيتفكر. Il faut réfléchir et méditer à travers la lecture de ces différentes histoires. طيب. On continue ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc les prophètes, comme on avait dit, on avait expliqué le terme, il est envoyé Bashira, on avait expliqué le terme, on avait expliqué aussi le terme Da'iyan ila Shara'i, lorsque l'auteur a dit cela, Da'iyan ila Shara'i, et aussi lorsque le prophète a été qualifié aussi de Sirajan. Et on avait expliqué le fait que yakhrujullah ou yukhrijullah jalla wa ala bihi min adh-dhulumat ila an-nur, qu'Allah fait sortir les âmes des ténèbres vers la lumière, sirajan wa munira lil kawn bi nur al iman wal hidayati wal wahy. ثم قال المصنف وانزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قال الشيخ أنزل عليه القرآن الذي هو أعظم الكتب وهو المهيمن على الكتب كلها ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الباقي إلى أن يرفع في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. Donc ensuite, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et il a fait descendre sur lui son livre doué de sagesse. Donc regardez, après qu'il ait parlé du prophète, alayhi salat wa salam, des prophètes et des messagers, regardez, il dit, après que l'auteur ait dit, et il a envoyé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé pour eux les messagers, pour que leur argument soit irréfutable contre eux, et il a scellé le message, l'avertissement et la prophétie avec son prophète Mohammed. Après qu'il ait mentionné cela, l'auteur, regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il dit, et il a fait descendre sur lui son livre doué de sagesse. Donc vous avez compris, anzala alayhi al-kitab yani al-Qur'an. On a compris qu'il fait allusion au Coran. Donc Allah Jalla wa Ala a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son livre doué de sagesse, a explicité par lui sa religion de droiture et a guidé par lui vers la juste voie. وقال وهو المهيمن على الكتب كلها ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قلنا وقال هذا الكتاب الحكيم شرح الله به دينه فهو الذي بين أو فهو الذي بين الدين قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فالكتاب نزل تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة فلا تنزل نازلة إلا في فلا تنزل نازلة إلا وفي القرآن ما يبين حكمها ولمن عنده علم وبصيرة لمن عنده علم وبصيرة فقال جل وعلا ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا والسنة مبينة ومفسرة للقرآن وموضحة له قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ومن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر فمن أنكره فهو كافر وقد أنكره المشركون فصار هذا زيادة في كفرهم وكذلك من كان يدعي الإسلام وهو ينكر البعث فإنه كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإجماع المسلمين ومنكر لأصول من أصول ومنكر لأصل من أصول الإيمان والمراد باليوم الآخر اليوم الذي بعد الدنيا فالدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر. On va essayer de traduire très brièvement ce que dit Cheikh ici dans l'explication. Donc il dit ce livre, هذا الكتاب, كتاب, le livre d'Allah, Al-Qur'an, qui est qualifié comme étant Al-Hakim, كتاب, Al-Hakim, شرح الله به دينا. Il nous dit qu'Allah جل وعلا a clarifié et explicité la religion de droiture dans ce livre, dans le Coran. وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَ الدِّينَ. Donc on voit qu'il y a la clarification de la religion dans le livre d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan ici a fait allusion à un verset dans Sourate An-Nahl, la Sourate des Abeilles, le verset 89. Ou dans une traduction relative à, approximative du sens du verset, Allah dit « Et nous avons fait descendre le livre sur toi comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. » Donc regardez, Allah Jalla wa Ala, il dit que dans ce livre, dans le Coran, alors il y a un exposé explicite de toutes choses. Regardez, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » C'est la traduction de cette partie du verset. « تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » Il y en a un exposé explicite, hein, de toutes choses. Donc, dans ce livre, dans le Coran, lorsque vous l'ouvrez et vous lisez, dans le Coran, il y a un exposé explicite de toutes choses. Et aussi Allah Jalla wa Ala nous dit wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Et ce livre aussi est un guide et aussi une grâce et une bonne annonce aux musulmans, aux musulmans. Et c'est pour cela que fal kitab nuzila tibyanan li kulli shay. Et dans ce livre, il y a tout ce que les gens ont besoin ila an taqum as-sa'a, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Jusqu'à l'arrivée de l'heure, dans ce livre, on a tout ce qu'on a besoin, comme instruction, exhortation, leçon à réfléchir. Ce livre est une grâce, et en même temps, ce livre est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Donc la personne qui a besoin d'une guérison pour sa poitrine, il va trouver dans ce livre ce qui est bénéfique. La personne qui a des questions, qui se pose des questions élémentaires et essentielles dans sa vie, il a les réponses pour toutes choses. Toutes choses explicites ont été exposées. Il y a l'exposé, si vous voulez, ou plutôt l'exposé explicite de toutes choses dans ce livre, dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les choses qu'ont besoin les hommes, ila qiyam sa'a, jusqu'à l'arrivée de l'heure, si vous voulez, Eh bien, on a l'exposé explicite de toutes choses dans ce livre, dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un rappel hein, important. Et regardez ce que va nous dire Cheikh Fawzan. Il dit, فَلَا تَنْزِلُ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مَا يُبَيِّنُ حُكْمَهَا. Il n'y a pas un événement qui survient dans cet univers. Vous savez, un nazila, c'est quoi? C'est des choses qui touchent le monde, des choses qui nous touchent. Donc ça peut être des choses variées, qui touche, il n'y a pas une nazila qui descend, voilà, tanzil nazilatun illa wa fil qur'ani ma yubayyinu hukmaha. Sans que dans le Coran il y ait une clarification sur ces différents événements qui peuvent descendre ou bien toucher et affliger les gens. Donc lorsque vous voyez des choses touchant ce monde et cet univers, eh ben vous avez un exposé explicite dans le Coran de ces choses-là qui nous clarifie le jugement de ces choses. Comme a dit le cheikh ici, وَلَا تَنْزِلُ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مَا يُبَيِّنُ حُكْمَهَا وَلِمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ وَبَصِيرًا. Pour celui qui dit, qui en a la connaissance et donc la clairvoyance. وَلِهَذَا. Pour cela, Allah Jalla wa Ala mentionne un verset dans Surat al-Furqan, la Surat du discernement, le verset 33. Regardez lorsqu'Allah dit, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Regardez dans le verset, Allah Jalla wa Ala dit, traduction relative sens verset, et ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Regardez hein, Allah dit subhanahu wa ta'ala, et ils ne t'apporteront aucune parabole, c'est ce qu'ils ont traduit de wa la ya'tunaka bimathalin. Mathalin wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq. Mathalin, ils l'ont traduit ici par exemple, parabole. Alors Allah Jalla wa Ala dit, ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec le meilleur, si vous voulez, si on reste avec le terme arabe, tafsir. Avec le meilleur tafsir. Et regardez, c'est des versets qu'Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il faut méditer, qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala, a apporter la vérité et le meilleur tafsir dans ce livre, de ces choses qui sont appelées al-mathal. Et dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. » Et dans la sourate l'Abeille, le verset 44, on a un verset où Allah dit « Et nous avons fait descendre sur toi le rappel. » Écoutez bien, Allah s'adresse à qui ? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'adresse au prophète. Et Allah lui dit, nous avons fait descendre sur toi le rappel, al-dhikr. Et il dit, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Pour que tu clarifies aux gens ce qui leur est descendu. Pour que tu leur expliques d'une manière explicite, tu leur clarifies ce qui leur est descendu. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et peut-être qu'ils réfléchiront. Eh bien, Cheikh Fawzan a déduit de ce verset, il a mentionné ce verset, il a fait la citation de ce verset, lorsqu'il a dit que وَالسُنَّةُ مُبَيِّنَةُ. La sunna clarifie et explique. وَمُفَسِّرَ لِلْقُرْآنِ. يَعْنِ مُوَضِّحَ. La sunna explique plutôt et interprète ce qui est rapporté dans le Coran. Donc, est-ce qu'une personne pourrait dire, moi je prends du Coran mais pas de la sunna? Non, puisqu'Allah Jalla wa Ala a fait descendre le Coran et il a fait descendre la Sunna en même temps. Il a fait descendre la Sunna. C'est-à-dire que la Sunna, c'est le semblable. C'est semblable. Donc on a Kitab Allah, le livre d'Allah, et on a la Sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Allah, le prophète, alayhi salam, dit « Taraktu fikum amrayn, lan tadillu ba'di. » Je vous ai laissé deux choses, vous ne pourrez jamais vous égarer. Kitab Allah wa sunnati. Le livre d'Allah et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, je vous ai laissé le Coran seulement après moi. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous ai laissé après moi deux choses. Vous ne pourrez jamais vous égarer. Kitab Allah wa sunnati. Le livre d'Allah et la Sunna. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, pour pas s'égarer, le Coran. C'est-à-dire que si on délaisse le Coran et on prend que la Sunna, on va s'égarer. Et si on prend que le Coran et on délaisse la Sunna, on va s'égarer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, se plaignent des différents égarements, différentes dérives qui se sont propagées dans le monde musulman. Ils se plaignent de cela. Et la majorité des gens, lorsque les égarements leur sont exposés face à eux, lorsqu'ils voient toutes ces dérives, eh bien, beaucoup de gens sont dans l'intranquillité. Beaucoup de gens sont perturbés. Ils ne savent plus où est la vérité. Pourquoi ? Tout simplement, l'affaire est claire. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ni du Coran, ni de la Sunna. S'ils connaissaient le Coran, Kitab Allah, et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, la yaziru, personne ne s'égare, tant qu'ils s'attachent au livre d'Allah et à la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Et pourquoi ? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, taraktukum ala bayda, laylaha kanahariha, la yaziru anha, illa halik. Je vous ai laissé dans une blancheur de nuit comme de jour. Nul ne pourra s'égarer si ce n'est une personne qui voue à l'égarement ou bien qui a un goût à l'errance. Traduction relative hein, du sens du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, la cause des dérives et des déviations, c'est quoi ? L'apparence de ces doctrines et de ces sectes et de ces innovations, c'est quoi ? C'est le délaissement du livre d'Allah et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, il ne faut pas s'étonner. Lorsque les gens délaissent la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas juste ils ont pratiqué le bid'ah, c'est beaucoup sont plongés. Ils sont plongés, hein, ils ont sombré dans l'innovation. Il faut pas se plaindre ensuite qu'on ne peut pas discerner entre as-sunna wa al-bid'ah. Surtout que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous parle de cette époque qui viendra, la fin des temps. Où le prophète ensemble nous dit que va apparaître un temps où il y aura des du'at ila abwab jahannam. Du'at ala abwab jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Faqalu ya Rasulallah. Ou faqala Hudhayfa ibn al-Yaman ya Rasulallah sifhum lana haula. Man haula sifhum lana. Faqala sallam na'am qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi al-sinatina. Faqala Hudhayfa ibn al-Yaman ya Rasulallah fama tarayna drakani dhalik. Faqala sallam. اعتزل او فقال الزم جماعه المسلمين وامامهم فقال فان لم تكن لهم جماعه ولا امام فقال صلى الله عليه وسلم فالتزل تلك الفرقه كلها ولو انت على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث يعني وقوع هذه الفتنه donc c'est pour cela que c'est inéluctable, c'est impératif, les musulmans doivent revenir aussi bien au livre d'Allah et à la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin an-nawajidh. Le prophète Azam dit, celui qui va vivre d'entre vous verra de nombreuses divergences, des divergences khilaf. Comme beaucoup de gens disent, il y a des divergences. Wa li kulli da'in dawa. Et pour chaque mal, il y a son remède, ou pour chaque mot, il y a son remède. C'est quoi le remède de la divergence ? Ar-ruju' ila al-kitabi wa as-sunnah, revenir à la sunna du prophète alayhi salam, le livre d'Allah et la sunna du prophète salam. Il y a des gens qui n'ont pris que le Coran. Vous savez comment qu'on les appelle ? Al-Qur'aniyun. C'est une secte. Ils disent nous on prend que le Coran. Wa dhahara hadha, et ça a fait apparition, ça a émergé dans le monde musulman, un groupe, une secte qui est apparue qu'on dit nous on prend que du Coran. Et ils se sont appelés Al-Qur'aniyun. Alors vous allez poser une question. Pourquoi on mentionne les différentes dérives ? Comme un grand imam disait, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver, parce que celui qui ne connaît pas le mal, eh ben, ne pourra pas distinguer entre le bien et le mal. Ça, c'est une règle. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Car celui qui ne distingue pas le mal du bien, il tombe. Donc lorsque vous savez, par exemple, qu'à un moment donné de l'histoire des musulmans, il y a des gens qui ont sombré dans une doctrine et ont fait apparaître une doctrine qui a émergé, se disant, des gens, al-Qur'aniyun, disant que nous prenons que du Qur'an. Eh bien, le musulman, lorsqu'il sait cela, il va se mettre à l'abri et se préserver de ne pas tomber dans ces formes de dérives. Iyakum wa iyakum. Faites attention, pourquoi ? Vous savez, on fait souvent le rappel. Et je sais qu'il y a beaucoup. Et on ne fait pas des procès d'intention, hein. On ne rentre pas dans les cœurs des gens. Mais je sais qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui se disent, oh, lakin, c'est dur. C'est dur d'accepter ça. Parce que pourquoi je vous dis cela ? Parce que c'est une vérité qui est amère. C'est une vérité dure. Lorsque Par exemple, on dit de faire attention de qui on prend sa religion. Je sais que c'est une réalité dure pour beaucoup de musulmans, surtout pour la masse des musulmans. Mais qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Le prophète, dans un hadith, il le dit, la chose dont je crains le plus pour vous, c'est les imams qui égarent. C'est les imams qui égarent. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui se disent, c'est dur, c'est une réalité qui est amère. Naam, lakin mawjouda. Mais c'est existant. Il faut faire attention. Si vous qui venez à la mosquée, vous apprenez pas cela. Vous apprenez pas ces différentes dérives qu'ont émergé dans le monde musulman. Comment vous allez mettre en garde vos enfants, votre progéniture et vos proches? C'est ce qui s'est passé. Comment ça se fait que beaucoup de jeunes et d'enfants se sont retrouvés dans des endroits où ils ont sombré dans l'extrémisme et certains ensuite sont arrivés à faire des attentats suicides, se suicider au nom de la religion? C'est des dérives. Ça, ces dérives-là, elles ont touché beaucoup de musulmans de nos jours. Comment ces enfants, et beaucoup d'enfants, certains, c'est vrai, sont des gens qui se sont convertis à l'islam. Donc, bien sûr, leurs parents n'ont pas pu leur inculquer ce qui était permis dans la religion, ce qui n'était pas permis, et leur apprendre les différentes dérives qui ont émergé ensuite dans le monde musulman. Donc, ça, c'est un point, c'est une chose. Mais beaucoup d'entre eux, ce sont des gens à la base qui... des enfants qui ont grandi dans une famille musulmane. كيف وقعوا في هذه الأمور؟ هذه بدعة محدثات. Pourquoi? Parce que leurs parents ne leur ont pas enseigné. Et comme on dit, فقد الشيء لا يعطي. Celui qui n'a pas, qu'est-ce qu'il veut donner? Il ne peut pas donner. Parce que eux, leurs parents, n'ont pas appris. Peut-être parce que, wallahu a'lam, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses. Peut-être parce que les responsables de ces lieux-là, de ces mosquées-là, l'imam par exemple, n'enseignaient pas ces choses-là. Aux gens, c'est important d'apprendre ces choses-là. Vous savez, l'enseignant, الداعي لله, العالم, le savant, ou le داعي, ou l'imam, il ne va pas dire aux gens ce qui leur plaît seulement. Il n'est pas là pour plaire. Lui, il est là, il prépare sa place devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui, il dit les choses qui sont dites dans le Coran et dans la Sunna, plaisent ou déplaisent. Les prophètes, tous les prophètes, regardez, Nuh, alayhi salam, très peu de partisans, de gens qui l'ont suivi, il n'a pas dit aux gens ce que les gens voulaient plaire. Ils étaient dans l'idolâtrie du shirk. Il leur a dit, hadihi, ça c'est l'idolâtrie, c'est le polythéisme. Allah Jalla wa'ala n'accepte pas cela. Il leur a dit, ça leur a plu? Ça leur a pas plu. Un Nabi sallam lamma zahara inda Quraysh. Lorsque le prophète sallam est apparu à la Mecque, à Quraysh, il leur a dit qu'il ne faut plus adorer ces idoles-là qui étaient dans la Mecque. Ils avaient plus de 360 idoles. Ça leur a plu à Quraysh? Ça leur a pas plu. Il leur a dit, Fadallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسوله. Donc voilà, pour continuer, donc vous avez vu, c'est des sujets qui sont très importants. Donc vous avez vu, les prophètes et les messagers, dans leur prédication et dans leur appel, ils n'ont pas dit aux gens ce qu'ils voulaient forcément entendre. Mais les prophètes et les messagers, rapportaient et transmettaient aux gens ce qu'Allah Jalla wa Ala leur avait ordonné de transmettre. Donc on est tous dans une préparation. On prépare Yom al-Qiyam, on se prépare pour le jour de la résurrection. Donc c'est pour cela qu'il nous faut apprendre notre religion. Surtout lorsque l'on sait qu'un jour le prophète Hassan dit que lorsqu'il sera réuni autour du bassin avec les croyants, vous savez, le jour de la résurrection, alors le prophète Hassan aura un bassin, il sera réuni autour de ce bassin, al-Hawd qu'on appelle, il sera réuni avec les croyants, les musulmans. Et viendront des gens, et le prophète, alayhi sallam, lorsqu'il verra ces gens, il pensera qu'ils sont de sa communauté. Mais ces gens seront interdits d'aller avec le prophète, sallam, et de rester avec le prophète et les croyants autour de ce bassin. Et le prophète, sallam, lorsqu'il verra que ces gens qui viendront, ils seront interdits de rester avec lui autour du bassin, il dira, dans une version, innahum min ummati, ce sont des gens de ma communauté. Dans une version, il a dit, ashabi. Et là, on dira au prophète, une voix lui dira, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et on voit bien le thème en arabe, ma ahdathu ba'dak. Ahdathu, c'est ça le muhdathat. Les nouvelles choses. Ils ont fait des choses qui ne faisaient pas partie de ta religion, ces gens-là. Vous pensez que ça faisait partie de la religion du prophète d'insulter les compagnons du prophète, sallam? D'insulter les épouses du prophète, sallam? De mécroire en des choses qui sont mentionnées dans le Coran et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est pas nous qui dénonçons ces choses-là, qui est-ce qui va le dénoncer? On va attendre que ça se répande dans toutes les familles musulmanes. Comme l'extrémisme et l'excès dans la religion, s'est propagé dans certaines familles musulmanes jusqu'à ce que les enfants ensuite ont fait des choses contraires à la religion et ensuite c'est le reste des musulmans qui sont pris comme otages. Et on juge la religion comme elle est jugée aujourd'hui à cause de certains soufaha. Il faut faire attention. Et regardez ce qui est très pertinent. Et avant de dire cela, regardez, on a même un hadith du prophète. Pourquoi le prophète sallam a dit, dans le hadith célèbre que nous rapporte Aïcha, l'épouse du prophète sallam, lorsqu'elle nous dit que le prophète a dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa radd. Celui qui fait une nouvelle chose dans notre commandement, cela est à rejeter. Pourquoi le prophète sallam a dit ça? Man ahdatha. Pourquoi lorsque le prophète sallam faisait des sermons, il disait ala wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar, et certes toute nouveauté est un égarement et tout égarement est en enfer. C'est pas en vain. Et ce qui est très très pertinent pour terminer, regardez, l'auteur, après avoir cité l'envoi des livres, vous savez, c'est vraiment, l'auteur mentionne des sujets et sa méthodologie dans la classification des sujets, elle est très pertinente. Après avoir mentionné la descente des livres et que cela a été explicité, ou plutôt dans ces livres, il y a l'explication de la religion de droiture, une guidée vers celle-ci. Regardez ce qu'il dit ensuite. Et il faut aussi croire et dire que l'heure va se produire. Maintenant, il va parler de Qiyam Sa'a. Il faut aussi croire que l'heure va se produire, qu'il n'y a aucun doute sur celle-ci, que Allah va ressusciter les morts, ils redeviendront comme il les a créés la première fois. Regardez ce que va nous dire Shir ici. On min usul al-iman, al-iman bil yawm al-akhir. Maintenant, l'auteur parle d'un autre sujet. Après avoir parlé des prophètes et des messagers et de l'envoi des prophètes et des messagers, de la descente avec des livres, de la descente plutôt sur eux des livres, il va nous parler maintenant de la croyance au jour dernier. Pourquoi l'auteur nous parle de la croyance au jour dernier? Comme dit Cheikh Fawzan ici, le commentateur, لأنه أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أصل من أصول هذا الدين. Parce que ça fait partie des fondamentaux de cette religion, des croyances essentielles. Regardez ce qu'il va nous dire. فمن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكره فهو كافر. Donc on voit aussi, c'est un pilier parmi les piliers de la foi, la croyance au jour dernier. C'est croire. La foi, c'est quoi? Les piliers de l'Iman. C'est croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en messagers, croire au jour dernier. Et à la fin, le destin. Qu'il soit bon ou mauvais. L'Yom al-Akhir. Ça fait partie des piliers de l'Iman. Ça veut dire, Allah dit la yu'min bi. Bil-Yom al-Akhir. Mu'min? On l'a dit mu'min? L'Isabi mu'min. Il n'est pas croyant. Pour ça, l'auteur, il le stipule bien. Regardez ce qu'il va nous dire, Shir. فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ كَافِرُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ. Et ceux qui renient cela, ils prennent le chemin des polythéistes à l'époque du prophète, parce que هَوْلَ أَنْكَرُ. Ils ont renié le jour dernier. Et eux, ils reniaient ce qu'on appelle الْبَحْث وَالنُّشُور. Ils reniaient la résurrection, que les hommes soient ressuscités. Et de ce fait, فَصَارَ هَذَا زِيَادَةُ فِي كُفْرِهِمْ. Et ça, ça a rajouté de leur mécréance. فَمَنْ كَانَ يَدَّعِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ يُنْكِلَ الْبَعْثِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ. Celui qui par exemple prétend croire à l'islam et prétend être musulman, mais qui renie la résurrection, il ressemble au polythéiste et il n'est pas croyant de ce fait. Puisqu'on doit croire au jour dernier et on l'a donc en la résurrection. الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ. Et لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمُنْكَرُ لِأَصْلِ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ. والمراد باليوم الاخر اليوم الذي بعد الدنيا. ما معنى اليوم الاخر؟ Regardez ce que va nous dire Shir, très simplement. Si on vous demande quel est le jour dernier, parce que si vous enseignez à vos proches les piliers de l'iman, l'iman billah wa bil malaika wa bil rusul wa bil kutub wa bil yawm al akhir, qil lak ma معنى اليوم الاخر. C'est quoi اليوم الاخر? Tout simplement répondez المراد باليوم اليوم الذي بعد الدنيا. C'est le jour après la dunya. اليوم الآخر. Je vous traduis littéralement le jour dernier. C'est le dernier jour. C'est quoi ce dernier jour? اليوم الذي بعد الدنيا. C'est le dernier jour. Le jour après cette vie d'ici-bas. الدنيا. فقال فالدنيا هي اليوم الأول. Regardez ce qu'il dit. Il dit cette vie d'ici-bas c'est le premier jour. اليوم الأول. ويوم القيامة هو اليوم الآخر. Et al-qiyama, le jour de la résurrection, on traduit beaucoup en français, le jour de la résurrection, c'est le dernier jour. C'est pour ça qu'on dit al-yawm al-akhir. Wadih al-kalam, vous comprenez? Pourquoi on dit le dernier jour? On a le premier jour, ad-dunya. Après la dunya, il y a yawm al-akhir, le dernier jour. Fa la budda min al-iman bi wal isti'dad lah. Pourquoi croire au jour dernier? La budda min al-iman bi, il faut croire en lui. ومن آمن باليوم الآخر لابد أن يستعد لهذا اليوم ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في كثير من الأحاديث بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليكرم جاره وليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر فلابد من الاستعداد فقال فلا يكفي الإنسان أن يؤمن به بل لابد من الاستعداد له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة حتى يفوز في هذا اليوم. Il faut se préparer. Si vous voulez réussir en ce dernier jour, il faut se préparer. واليوم الآخر ويعبر عنه بالساعة. Et on peut l'exprimer aussi en disant الساعة. الساعة. يسألك الناس أو يسألك الناس عن الساعة. قل إنما علمها عند الله. Allah dit dans le Coran, il t'interroge au sujet de l'heure, dit que la connaissance de l'heure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Donc pour terminer, regardez, on termine juste avec un récit. Lorsqu'on parle de préparation, l'importance de la préparation. Regardez, un jour le prophète, et on termine avec ça, et inshallah, nous salli bi hawlillah jalla wa ala salat al-isha. Un jour, le Nabi sallam kana bayna ashabi. Hakada. Wa kama qil, yani على حسب التفسير والشرح بعض العلماء قال امتحن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قال لهم من أصبح منكم اليوم صائما ما استعد الصحابة لهذا اللقاء أو لهذا السؤال. Les compagnons n'étaient pas préparés. Un jour ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète était réuni et c'est comme s'il va leur faire un test, il va leur poser des questions. من أصبح منكم اليوم صائما, qu'est-ce qui s'est levé à beau matin, il est en état de jeûne. أصبح منكم صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله. أبو بكر دي موه مساجد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم من عاد على حسب الترتيب أنا أذكر لكم مما ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم بصدقة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله وقيل كذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله في يوم واحد أبو بكر كان صائم وقد تبع جنازة وقد عاد مريضة وقد تصدق بصدقة عجيب. Alors le prophète dit aux compagnons qui est-ce qui s'est levé un beau matin en état de jeûne ou qui fait le jeûne aujourd'hui? Abu Bakr a dit moi. Ensuite le prophète a dit, et parmi les choses que le prophète a dit, le prophète leur a dit aussi, qui est-ce aujourd'hui qui a rendu visite à un malade? Abu Bakr a dit moi au messager d'Allah. Parmi les choses que le prophète a dit aussi, il a dit, qui est-ce d'entre vous qui a fait une sadaqa, une aumône aujourd'hui? Abu Bakr a dit moi au messager d'Allah. Et le prophète a dit, qui est-ce qui a suivi un cortège funèbre aussi? Abu Bakr a dit moi au messager d'Allah. Le prophète a dit, il n'y a pas une personne sans que ces quatre choses se réunissent en lui, sans qu'il rentre au paradis. Est-ce qu'Abou Bakr était préparé pour ce questionnement? Non. Mais en tout cas, il était préparé pour la résurrection, pour le jour dernier. Al-Isti'dad. C'est ça qui est important. Al-Isti'dad. Waouh, on a dépassé de 4 minutes. Natlum minkum al-musamaha. والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك